je n'en ai pas envie. Celle qui danse, je les vois, et celle qui rit aussi. Celle qui passe devant moi, ne me parlez pas des autres. Elle est sur mesure, un jour on s'est choisi, on s'est juste regardé, c'est tout, elle durera la vie. De mes joies, de mes soucis, parlez plutôt de ça. Mon amour, comme on dit, ne me parlez pas de moi. Elle est sur mesure, un jour on s'est choisi, on s'est juste regardé, elle durera la vie. Elle est sur mesure, un jour on s'est choisi, on s'est juste regardé, c'est tout, elle durera la vie. Ne me parlez pas de la pluie, je la sens pas tomber. Parlez-moi d'elle toujours, la terre lui tourne autour. C'est mon soleil, c'est ça, dites bien ces choses-là. Elle on s'est juste regardé, c'est tout, elle durera la vie. Elle est sur mesure, un jour on s'est choisi, je la regarde, c'est toute ma vie, elle durera la vie.